Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière il de marcha voir dans choses, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. « 2020, la société face au conflit », tel est le titre donné au premier des grands forums de l'année 2020 qui unit France Culture et l'Université de la Sorbonne. Et il fallait bien que les discussions se déroulent au pied d'un bois sacré, celui peint à la fin des années 1880 par Puvis de Chavannes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'université est représentée comme une vierge laïque entourée des arts, des sciences et des lettres. Tout est allégorie et la philosophie côtoie l'histoire avec quelques débris antiques. Le calme, la sagesse, le savoir règnent dans ce bois sacré. Voilà donc le site idéal pour prendre du recul et parler de conflits. Que vaut la comparaison des conflits du passé avec ceux du présent? 1789, la Commune de Paris, les années 1930, mai 68, revivons-nous les conflits du passé? Pour en parler, je vous propose de vous installer dans ce bois sacré. Aujourd'hui, le cours de l'histoire est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris pour le forum France Culture Sorbonne Université 2020, la société face au conflit. Cette réflexion sur les conflits nécessite un regard historique et où il faut toujours regarder en arrière pour essayer de comprendre le présent. 1789, année 1930, mai 68, mais revivons-nous les conflits du passé? Pour nous en parler, aujourd'hui, nous avons des spécialistes, historiens, historiennes, et un dialogue qui va se construire avec vous, Béatrice Bougnol. Bonjour. Bonjour. Journaliste à la Croix, et vous et moi, nous allons animer cette discussion avec Ludivine Bantigny. Bonjour Ludivine. Bonjour. Ludivine Bantigny, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Et écoutez, pour pas dire de bêtises sur notre réflexion, peut-on comparer le présent au conflit du passé? Nous sommes bien d'accord, aujourd'hui nous sommes dans un moment de conflit. Vous le sentez dans ces années, nous sommes en 2020 et depuis quelques années, il y a un sentiment général de conflit. Vous le confirmez? Absolument, oui. Et je pense d'ailleurs qu'une chose est un peu invisibilisée lorsqu'on parle de la violence et de la conflictualité, c'est la violence sociale, la violence structurelle à laquelle ripostent des mobilisations populaires, des soulèvements, des révoltes, parfois même des révolutions. Et pour nous en parler également aujourd'hui, Gérard Noiriel, bonjour, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et bonjour. Vous confirmez également ce sentiment de conflit dans notre monde d'aujourd'hui? Oui, alors le mot conflit est plus large que le mot violence, hein, donc il faudrait aussi prendre en compte des conflits qui ne sont pas explicitement désignés comme la violence. Moi, je pense que le conflit, c'est constitutif de la vie en société aussi. Mais voilà, donc c'est pas une notion forcément négative non plus à avoir, parce que le conflit peut engendrer de la solidarité, etc. Enfin, c'est compliqué. Ce conflit est nécessaire. Bah, d'ailleurs, nous pouvons écouter Les Chemins de la Philosophie, hein, l'émission qui suit avec Adèle Vendrette, qui va réfléchir philosophiquement sur la nécessité en société du conflit. Et aujourd'hui, pour évoquer cette question qui nous intéresse, faut-il regarder les conflits du passé pour regarder le présent? Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École pratique des hautes études, Emmanuel de Varesquiel. Dans cette notion de conflit, c'est vrai que, en tant qu'historien, vous avez dû repérer énormément de références au passé. La notion de conflit est complexe, hein. Il y a des conflits sociaux, il y a des conflits de tout type. Ça peut être vraiment décliné de toutes les manières, de l'intime à l'ensemble de la société, voire à l'international. Vous êtes vigilant, vous voyez ces évocations de conflits du passé pour expliquer le présent? Oui, au regard du passé, la société est très pacifiée. Ce que disait notre ami sociologue au-dessus de nous, là, est tout à fait exact. Les violences pré-révolutionnaires et révolutionnaires sont autrement, plus tragiques et plus denses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais quant à des continuités, elles existent. L'histoire ne se répète pas. Donc on est dans la mémoire et pas dans l'histoire. Quand on parle de ces transmissions, soit psychologiques, du passé au présent. Et là, comme chacun sait, l'histoire est à l'esprit critique, à la distance et à l'analyse, ce que la mémoire est à l'amour et à la haine. Donc on est là plutôt dans la mémoire de l'histoire, mais on ne peut pas s'empêcher de voir dans les conflits récents, je pense aux Gilets jaunes et d'autres, des reflets, des passerelles, même si les contextes sont absolument différents. Par exemple, j'ai le sentiment que les conflits contemporains sont des conflits de résistance, alors que la Révolution française est un mouvement en avant. On passe d'un ordre à un autre et on est dans des contextes très différents. À ma connaissance, la société d'ordre n'existe plus. Une société fondée sur un principe d'inégalité en droit n'existe plus. Nous sommes dans la liberté, l'égalité, fraternité, quelles que soient leurs imperfections. Et donc, de ce point de vue-là, on est dans des contextes très, très différents. Mais il n'empêche que la Révolution nous donne à voir un certain nombre de choses qui se prolonge, qui se perpétue, qui se transforme aujourd'hui. Par exemple, des conflits de légitimité entre deux formes de démocratie, entre une démocratie, une légitimité de type représentative et parlementaire, et une légitimité de type démocratie directe. C'est tout le combustible de la Révolution française, toute cette bataille, ces journées révolutionnaires, cette bataille entre les assemblées révolutionnaires jusqu'à la Convention nationale et les sections parisiennes sans culottes qui marchent sur la Convention. La matrice de ce conflit de légitimité qui est très spécifiquement français, on la trouve sous la Terreur. Et à l'époque de la Révolution française, on pourrait dire la même chose de beaucoup, beaucoup d'autres phénomènes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et vous avez raison, Emmanuel de Varesquiel, de souligner l'importance du contexte. Enfin, historien, c'est la démarche première. Et en tout cas, il est nécessaire, en début d'une discussion autour des conflits d'aujourd'hui, c'est le thème du forum France Culture Sorbonne Université, et d'une réflexion sur la comparaison avec le passé, de remettre en place, de dire oui, il y a des conflits aujourd'hui, oui, il y a des échos avec le passé, il faut contextualiser. Et pour en parler avec nous également aujourd'hui, Bénédicte Chéron, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne chercheuse au CIRIS Sorbonne, Identité, Relations internationales et Civilisation de l'Europe. Et vous êtes spécialiste du rapport que peut avoir une nation avec son armée et on pourrait plus globalement dire à l'autorité. Vous sentez-vous aujourd'hui des évolutions de rapport que l'on peut avoir avec, allez, je le dis pour utiliser un terme générique, mais la force publique. Alors, avec les armées, il y a très clairement une évolution de rapport qui est très notable, avec un point de bascule qu'on peut noter, ou un point d'aboutissement d'un cycle d'ailleurs, c'est toujours le sujet de savoir si on est à la fin ou au début, autour de la deuxième partie de l'engagement en Afghanistan en 2008-2012, parce qu'il y a eu un nombre de militaires morts au combat avec une très forte médiatisation qui a augmenté, donc ça a joué un rôle. Et puis depuis, il y a eu évidemment une opération Serval déclenchée au Mali par un président François Hollande avec des tonalités très épiques, donc ça a évidemment fait bouger des choses, et je ne parle pas, mais vous l'avez tous en tête, de l'année 2015. Dans le rapport à l'autorité, on sait qu'on est dans une période longue sur laquelle on a du mal, là encore, à poser des mots un peu simples sur la question, parce que on est à la fois, là encore, dans un très long cycle de ce qu'on appelle l'individualisation des valeurs, l'individualisation du rapport à l'autorité, aux autorités, et puis on est en même temps dans un moment, parce qu'il y a une instabilité perçue, réelle et perçue, réelle ou perçue, faudra qu'on en parle, qui incite aussi les gens à tourner le regard vers ce qu'ils peuvent percevoir comme des sources d'autorité. Et dans le perçu, Bénédicte Chéron, vous avez raison, il y a le rapport à l'histoire et à la mémoire, et vous évoquez l'intervention en Afghanistan ou les attentats avec 2015. Tout cela rentre dans le contexte d'aujourd'hui et qui nous pousse à porter un regard vers le passé, Béatrice Bougnol. Oui, comme vous l'avez rappelé, Gérard Noiriel, effectivement, le mot est très large. Donc, après ce premier tour de piste, si j'ose dire, on va s'attacher à des conflits un peu particuliers pour essayer d'être plus précis. Et il y en a un conflit social qui, depuis novembre 2018, nous occupe beaucoup, c'est celui des Gilets jaunes, et qui a provoqué beaucoup, beaucoup de références historiques, notamment à la Révolution française. Emmanuel de Varesquiel, pour commencer, nous avons eu l'idée, enfin l'envie de vous demander, les Gilets jaunes, est-ce que ce sont les nouveaux sans-culottes ? Non. Pouvez-vous un peu développer ? Tant mieux pour eux, d'ailleurs. Tant mieux pour eux. Non, mais les Gilets jaunes et au-delà tout conflit socio-politique français contemporain récupèrent un certain nombre de fantasmes qui sont des héritages de la Révolution française. Je pense par exemple au fantasme du complot qui est au cœur de qu'on a retrouvé via les réseaux sociaux de ces manifestations de Gilets jaunes en 2019. Le complot, le principe du complot s'installe dès les débuts de la Révolution française. En mai 1789, à l'époque de l'ouverture des États généraux, et ce complot va constituer le combustible même de la mécanique et de la dynamique révolutionnaire jusqu'à la Terreur en 1793. Il y a une forme de continuité. Quand on lit le journal d'Arthur Young, qui est cet agronome anglais qui se promène en France en juin-juillet 89, on est frappé, en le lisant, de constater que où qu'il soit en France, les rumeurs étaient parfois aussi fortes, sinon plus que les réseaux sociaux aujourd'hui. Il entend parler du complot aristocratique de Marie-Antoinette qui aurait posé des mines souterraines sous l'Assemblée nationale pour la faire sauter, qui voulait tirer à boulets rouges sur Paris depuis la colline de Montmartre, la butte Montmartre. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ce complot, il est déjà au cœur de la Révolution, on le retrouve aujourd'hui, et il est un élément d'explication assez facile à la désignation de l'ennemi, de l'autre. Il entre comme un coin de division sociale, alors même que la Révolution essaye d'instaurer le principe de l'indivisibilité de la nation. Donc, dans un certain sens, le complot va à l'encontre de cet idéal d'indivisibilité qui est proclamé par l'Assemblée nationale dès le 17 juin 1789, et on va le retrouver y compris au XIXe siècle. Regardez ce qu'écrit dans sa proclamation Napoléon au Golfe Juan le 1er mars 1815, au début des 100 jours, lorsqu'il rentre de l'île d'Elbe pour essayer de récupérer et qu'il récupérera le pouvoir qui se terminera assez lamentablement à Waterloo le 18 juin 1815. Nous avons été trahis. Donc cette notion de complot et trahison, elle est inhérente à l'histoire française et au processus révolutionnaire même. Elle traverse tout le XIXe siècle. Il n'y a pas que le coup de poignard dans le dos des Allemands en 1919 qui vaille. C'est un phénomène qui est très profondément inscrit dans notre histoire contemporaine. Ludivine Bantigny, vous avez écrit un ouvrage aux éditions Anna Mossa qui s'appelle Révolution. Et sur cette idée de complot qu'Emmanuel de Varesquiel évoque, qui est un aspect de la Révolution, et d'ailleurs d'une première Révolution, hein, nous sommes dans l'année 1789-90. Ludivine Bantigny, quelle lecture vous avez, vous, de cette comparaison poussée à l'extrême, un peu dans la provocation, mais il faut aller vers ça pour décrypter, Gilets jaunes sans culottes. Oui, ben, je trouve que c'est intéressant qu'on commence par un conflit entre nous, parce que pour ma part, je suis vraiment en désaccord avec l'interprétation qui vient d'être proposée par Emmanuel de Varesquiel. Mais c'est important parce que au vu du sujet qui nous préoccupe, il faut aussi s'interroger sur la manière dont on prend position dans tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on discute du conflit aujourd'hui, je crois qu'on peut pas se réfugier derrière un statut de supposée neutralité, comme un entomologiste observerait des insectes d'eau. Je veux dire, on est embarqué dans ce monde traversé de conflits. Ça, c'est la première chose que je voudrais souligner. Mais c'est vrai que ce qui me perturbe, c'est cette association immédiate entre gilets jaunes et complot. Enfin, moi, je sais pas, quand j'entends les gilets jaunes, quand je les vois manifester, quand je vais discuter avec elles et avec eux sur les ronds-points, dans les cabanes qu'ils et elles ont construites, etc., c'est pas du tout le complot qui arrive en premier lieu, même si la révolution, quant à elle, peut surgir très rapidement dans les discussions. Mais ce qui est premier, c'est la justice sociale, c'est la justice fiscale, c'est la question de la démocratie. Donc ce sont des thématiques qui, en effet, portent à réfléchir à l'histoire, puisque beaucoup de gilets jaunes ont inscrit au dos de leur gilet ces références historiques. 1789 est venu énormément, avec cette idée aussi que finalement, même si bien sûr on ne peut pas comparer les contextes et que la question de l'indivisibilité de la nation qu'Emmanuel de Varesquiel a rappelé est la matrice de nos sociétés contemporaines, le problème c'est que celles et ceux qui se soulèvent ne ressentent pas cette idée d'une indivisibilité de la nation à partir du moment où le contrat social d'une égalité n'est pas du tout rempli, à partir du moment où même un chef de l'État parle de ceux qui ne sont rien, par exemple, et qui donc contribuent à diviser finalement cette nation. Mais la nation est divisée parce qu'elle est divisée socialement, parce qu'on a aussi le sentiment politiquement d'être dépossédé en quelque sorte du geste démocratique. Je crois que c'est de ça qu'il faut partir pour comprendre que des références à la révolution soient ainsi mobilisées lors des soulèvements sociaux tels que ceux qu'on a connus ces derniers mois et ces dernières années. Gérard Noiriel, sur cet échange entre Emmanuel de Varesquiel et Ludivine Bontigny, c'est vrai que la notion de complot que l'on retrouve hein, effectivement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, que l'on retrouvait sous la Révolution, et cette revendication de changement. Mais là, c'est vrai qu'Emmanuel de Varesquiel l'a bien dit, on ne change pas complètement de régime, on est dans un régime qu'on veut transformer. Moi, ce qui m'a frappé dans l'examen de ce mouvement, c'est que les usages de la mémoire, comme c'était dit, ce qui m'a frappé, c'est plutôt le fait que ça a été utilisé pour discréditer le mouvement. J'avais écrit un texte, d'ailleurs, qui était publié dans Le Monde au lendemain de la manifestation du 17 novembre, pour critiquer ceux qui n'étaient pas historiens, d'ailleurs, mais des commentateurs habituels de la vie politique, parfois étiqueté intellectuel, allait parler de jacquerie, par exemple, hein, ou de poujadisme, etc. Vous avez constamment un vocabulaire qui fait des références historiques et qui crée, du coup, aussi du fantasme contre les gens qui sont en lutte. Donc, on peut pas oublier cet usage conflictuel de la mémoire quand on parle de tout ça. Alors après, la question du complot, moi, en tant qu'aussi sociologue, je dirais qu'il faudrait voir aussi comment les individus nomment les souffrances ou les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il y a effectivement une tendance, mais qui est humaine, qu'on retrouve à toutes les époques, à personnaliser les choses, à dénoncer, montrer un ennemi avec une figure, avec une image, etc. On l'a vu beaucoup avec le fait que ce soit Macron, enfin ce signifiant Macron qui est devenu la manière de nommer finalement le pouvoir, les formes de domination que subissaient les personnes qui étaient engagées dans ce mouvement. Est-ce qu'à partir de là, on peut caractériser ça avec ce terme de complot? Là encore, faudrait déconstruire le mot. Ça me semble plus compliqué que de faire comme ça l'amalgame avec ce qui s'était passé sous la Révolution. Emmanuel de Varesquiel, justement, sur une grille de lecture où tout est contextualisé, bien sûr, vous arrivez à trouver des similitudes, des liens dans le discours ou dans la construction du discours que l'on peut avoir aujourd'hui dans les revendications, reprenons les gilets jaunes, est-ce qu'il y a pu exister auparavant, que ce soit sous la Révolution ou à d'autres moments? C'est vrai que vous avez évoqué d'autres basculements, des réflexions, quand vous avez évoqué Napoléon et le retour du roi. Là aussi, on est sur un basculement. C'est le discours lui-même qui arrive au premier plan avec ce que Jürgen Habermas appelle la construction de l'espace public du politique. Ce qui devient essentiel, ce sont les mots, et c'est très typique, assez typiquement français, les mots l'emportent sur les choses. À partir du moment où à la tribune d'une des assemblées révolutionnaires, depuis l'Assemblée nationale jusqu'à la Convention, les mots disent une vérité, cette vérité s'inscrit dans le pouvoir politique lui-même. Et cette propension presque littéraire des Français à exercer leur conflit, nous ne sommes pas les descendants de Descartes, nous sommes des êtres de fantasmes et d'imagination, et la plupart de nos conflits, de la Révolution au XIXe en passant par le XXe siècle, sont des conflits de représentation et d'imaginaire. Ce que Adolphe Thiers appelle le réel d'imaginaire l'emporte bien souvent sur le réel tout court. Et un historien qui n'étudierait pas ce réel d'imaginaire comme un objet essentiel de l'histoire, de la construction de l'histoire, passerait à mon avis à côté de beaucoup de choses. Béatrice Bougnol, du journal La Croix. Justement, on peut se demander, effectivement, au vu de la multiplication des références historiques des acteurs des conflits sociaux actuels, si c'est un trait de notre époque ou si les acteurs sociaux de toutes les époques avaient effectivement comme référence eux-mêmes les acteurs qui les avaient précédés, en fait. Ludivine Bontigny, vous avez donc travaillé sur la période de mai 68. Quels sont les échos entre cette période et ce qu'on vit aujourd'hui? Et là, on peut penser à un autre conflit que celui des Gilets jaunes, hein, qui est celui du conflit qu'on vit actuellement autour de la réforme des retraites, et qui a des formes plus classiques, et qui a pu, celui-là, provoquer des comparaisons plutôt avec le mouvement de mai 68. Vous, en tant qu'historienne, quels échos vous voyez entre ce conflit contemporain et ce mouvement passé? Oui, la première chose peut-être à dire, c'est que certes, il y a un imaginaire, un discours du conflit, enfin, qui émerge dans le conflit, mais ce qui compte avant toute chose, ce sont les conditions sociales, économiques, donc les conditions matérielles de possibilité de ce conflit. Je crois que c'est quand même la base, et donc dans la comparaison qu'on peut faire, elle est compliquée cette comparaison, parce que comme ça a été rappelé à juste titre, il y a des contextes qui sont très différents, mais dans la comparaison qu'on peut faire entre le moment 68 et ce mouvement Gilets jaunes poursuivi par l'opposition à ce que beaucoup de manifestantes et manifestants grévistes aussi appelle plutôt la contre-réforme des retraites. Et ça, je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait un débat aussi sur les mots. Parce que, d'ailleurs, plus qu'à 68, le conflit actuel portant sur la loi sur les retraites, en fait, se réfère au moment de la libération et au moment 1945, au moment de l'émergence de la sécurité sociale. Et donc, en fait, s'interroger sur les mots en tant qu'ils sont historiques. Est-ce qu'il s'agit bel et bien d'une réforme? Mais qu'est-ce qu'une réforme? Qu'est-ce qu'une réforme historiquement qui va dans le sens d'un progrès social, d'un épanouissement, d'une émancipation individuelle et collective? Voilà, c'est aussi cette première réflexion qui fait naître l'idée que, au fond, ces mesures-là n'apparaissent pas à beaucoup comme des réformes au sens où on l'entendait historiquement. Après, le rapprochement avec 1968, il est fait par certaines et certains dans la mesure où c'est la question de la grève qui est posée, ce qu'on n'a pas vu du tout avec le mouvement des Gilets jaunes, ce sont d'autres formes, notamment de blocage qui sont intervenues. D'ailleurs, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui ont dit « j'ai fait 68, je fais 2018 », on l'a vu au tout début du mouvement des Gilets jaunes. Donc il y avait quand même cette référence. Le point commun, c'était aussi les lieux. Comment faire des lieux, notamment des lieux comme les ronds-points, des lieux communs. Et on peut jouer d'ailleurs sur l'expression, c'est-à-dire que bon, bah, les lieux communs, c'est ce qu'il y a de banal, etc. Mais il y a une densité qui leur est prêtée quand les gens décident, comme ça a été le cas en 1968, sur les places ou sur les lieux de travail, de les investir d'un sens collectif et d'un sens émancipateur. Donc les personnes qui, en 68, occupaient justement ici la Sorbonne, les lycées, les usines, les théâtres, les magasins, les ports, les gares, etc., se réapproprier ces lieux pour les métamorphoser. C'est ce qu'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites, en fait, passe aussi par la question posée de la grève, c'est-à-dire quelles sont les armes dans le rapport de force qui est instauré au travers de ces mesures. Donc là, c'est là qu'on se rapproche un peu plus de 1968, puisque beaucoup ont évoqué la notion de généralisation de la grève, de blocage de l'économie, et le débat, évidemment, et la pratique n'en est pas terminée. On va le voir dans les semaines qui viennent, je pense. Ludivine Bantigny, oui, vous le rappelez, nous sommes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le cours de l'histoire aujourd'hui participe au forum France Culture Sorbonne Université 2020. La société face au conflit, nous nous interrogeons, mais revivons-nous les conflits du passé avec cette réflexion qui tient à la représentation de nos propres conflits du moment, des conflits du passé, et toute une réflexion autour du vocabulaire, vous l'avez évoqué. Qu'est-ce que sont vraiment ces conflits? Emmanuel de Varesquiel, vous vouliez réagir à ce que disait Ludivine Bantigny. Oui, elle parlait à très juste titre de cette importance en France dans les luttes et dans la symbolique de l'occupation de l'espace public. C'est une vieille tradition de démocratie directe à la française, depuis les barricades de 1830, 1848 et celle de la Commune en 1871 jusqu'aux grandes grèves et aux grandes manifestations du XXe siècle en passant par les grèves des centres miniers à la fin du XIXe. Il y a un tableau, moi, qui me frappe et qui est assez, qui résume assez bien ce phénomène très français. C'est un tableau d'André de Vambès qui se trouve au musée d'Orsay, qui s'appelle La Manifestation, où on voit, c'est un tableau qui a été peint à la Belle Époque, dans les années 1905-1910, où on voit face à face un cordon de policiers, c'était pas encore des CRS, et un cordon de manifestants, et au centre, on a cette espèce, le seul espace éclairé du tableau, cet espace vide qui est l'espace public à conquérir. Et ça, c'est quelque chose du point de vue de la démocratie directe à la française, c'est quelque chose du point de vue des continuités historiques, puisque nous sommes là pour parler de ces continuités, de ces passerelles, c'est quelque chose qui me frappe. Bénédicte Chéron, en écho à ce qui vient d'être dit autour de la notion de manifestation, il y a malgré tout des ruptures, et c'est vrai que pendant très longtemps, pour répondre au mouvement populaire, le pouvoir envoyait la troupe. on envoyait l'armée. Et c'est vrai que dès les années 1920 avec les compagnies mobiles et puis 1944 avec les CRS, les choses ont changé. Vous, le regard que vous portez sur cette évolution, parce que là il y a un changement, on n'envoie plus la troupe, enfin... Non, et de fait, c'est un changement qui est assez notable aussi dans le rapport des mouvements sociaux ou des contestataires des autorités avec l'État. C'est que jusqu'effectivement à l'entre-deux-guerres, il y a une confusion, enfin il y a en tout cas une similarité totale entre l'État et son bras régalien le plus fort, hein, qui est celui de la force armée et que constituent les armées. Et on est maintenant dans une situation effectivement différente qui explique aussi ce rapport différent aux armées et un rapport très différencié à la fois dans les représentations collectives, mais les représentations collectives ne viennent jamais de rien, dans les réalités vécues entre les forces de sécurité intérieure et les forces de sécurité extérieure. Et ça joue là aussi dans notre rapport collectif à la conflictualité armée extérieure, parce que de fait aujourd'hui, sauf exception, il faudra qu'on y revienne, mais les militants, les révolutionnaires, les contestataires ne se trouvent pas face à des militaires, ils se trouvent face à des forces de sécurité intérieure. Et ça a aussi clarifié un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on a des armées qui ne se trouvent plus maintenant que face à des ennemis désignés à l'extérieur de la nation par l'autorité politique auxquelles elles sont censées obéir, tandis que les Français se retrouvent eux face à des forces de sécurité intérieures chargées du maintien de l'ordre. Ça explique dans nos représentations un rapport différencié, je parle bien collectivement, pas à titre individuel, entre la chose militaire et la chose policière, par exemple. Bénédicte Chéron, vous avez à plusieurs reprises utilisé ce mot de social, ce corps social qui est au cœur en fait de cette question, car la composition du corps social explique le rapport qu'on peut avoir au conflit et à l'autorité. Et nous avons un sociologue, ça tombe bien, Gérard Noiriel, sur cette lecture que peut avoir le sociologue, mais le sociologue qui fait œuvre d'historien en regardant les phénomènes sur la longue durée. Quelle approche avez-vous de ces mouvements sociaux? Alors, il y a le mouvement des Gilets jaunes, on en a parlé. Il y a le mouvement social contre la réforme des retraites. Ce qui s'est passé par le passé, que ce soit mai 68 par exemple, nous apprend des choses. Vous retrouvez par rapport à la composition du corps social qui n'est plus tout à fait la même d'ailleurs. Pour revenir par rapport à ce qu'il disait, ce qui était dit tout à l'heure, c'est que je crois qu'il y a un tournant quand même qui est fondamental, qui est celui de la Troisième République, où se produit ce que j'ai appelé la nationalisation de la société, parce que très souvent quand on parle de la société, on veut dire société française, c'est implicite. Quand on se place à une échelle mondiale, on voit les choses d'une manière différente, et donc on voit bien à la fin du 19e siècle que se met en place un peu le monde dans lequel on vit, et du point de vue des luttes sociales, on voit la naissance du mouvement ouvrier. Et ce qu'on a appelé le martyrologue prolétarien, notamment la répression de fourmis, où l'armée tire et tue une dizaine d'ouvriers et d'ouvrières, et ça va marquer profondément la mémoire. Et ça provoque ensuite, par étape, une pacification dans le rapport à la violence policière, et une sorte de codification même des manifestations. Le mouvement ouvrier, à l'époque de Jaurès, négocie en gros pour que négocier avec la police le trajet, etc. Enfin, la manifestation devient plus un acte où on espère que ça va révolutionner la société, comme ça avait pu être le cas en 48 ou même sous la Commune. Ça devient un moyen d'expression, voilà, d'une revendication. Donc il faut donner une bonne image de la classe ouvrière. Bon, on a toute cette logique-là qui, je crois, a été remise en cause par les Gilets jaunes dans des nouvelles formes d'intervention publique et qui, du coup, ont créé un désarroi, y compris dans les répressions, par le fait, et peut-être une recrudescence des formes, c'est quand même un point qui a été beaucoup souligné, des formes de violence, de répression nouvelles, mais qui ont fait quand même énormément de dégâts. C'est-à-dire la France a été quand même montrée du doigt par les instances humanitaires internationales. Donc on voit bien que l'histoire, on peut dégager des processus comme ça, mais c'est pas linéaire. Il peut y avoir des retours en arrière, il y a des reconfigurations. Moi je pense qu'on est entré dans un nouvel âge de l'espace public, de ce qu'on appelle l'espace public, qui est lié peut-être à la marginalisation de ce qu'on avait pu appeler la démocratie de parti au profit de la démocratie du public. Donc avec, voilà, on est dans ce contexte nouveau, et finalement c'est aussi la participation des acteurs que nous sommes, des citoyens, à ce qui se passe aujourd'hui qui va déterminer ce que sera notre avenir. C'est décisif et c'est essentiel. Béatrice Bougnol. Oui, vous parlez d'âge nouveau, Gérard Noiriel, à l'instant. Il y a une référence qui s'est imposée dans le débat depuis quelque temps, c'est celle aux années 30 dont on n'a pas encore parlé. Est-ce à dire que pour vous, cette référence, cette comparaison qui est un peu plus ou moins, selon les moments, explicite ou implicite, est excessive, voire abusive ? C'est comme pour le reste, si vous voulez, tout dépend si on est dans l'ordre du mémoriel ou de l'ordre de l'analyse historique. Parce qu'effectivement, les années 30 servent aussi aujourd'hui, avec toute une série de signifiants, Hitler, Mussolini, etc., un petit peu de repoussoir ou d'enjeux politiques. Parce qu'au départ, je crois même, c'est le président de la République lui-même qui avait dit, si on ne veut pas revenir dans les années 30, voilà. Donc il y a des enjeux là de lutte par rapport à cette période. Alors on peut pointer, comme ça a été fait d'ailleurs dans des ouvrages très sérieux, des éléments de communs. Il est vrai que le repli des États nationaux sur eux-mêmes, la montée de la xénophobie, du racisme, le retour aussi d'une certaine forme d'antisémitisme, tout ça sont des choses effectivement qui avaient existé dans les années 30 et c'est ce type d'engrenage, on peut le mesurer. Mais par ailleurs, la société a changé considérablement. On est dans un contexte qui a été beaucoup plus pacifique, dont beaucoup de choses qui se jouaient dans la rue, dans des affrontements physiques dans les années 30, aujourd'hui se passent sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, voilà, il y a une sorte quand même de transmission au niveau du langage d'un certain nombre de conflits qui auparavant se jouaient dans la rue, mais ça n'empêche pas effectivement qu'on peut redouter des formes d'évolution qui rappellent ce qui s'est produit dans les années 30 avec ces formes d'engrenage, d'utiliser des minorités comme bouc émissaire, de fermeture des frontières, d'enfants, on l'a vu, tout le monde a en tête ces images de bateaux qui sombrent dans la Méditerranée parce qu'aucun pays ne veut les accueillir. Tout ça, c'est vraiment ce qui s'était déjà produit dans les années 30. Hein. Et puis Gérard Noiriel, vous faites une réflexion autour du discours à votre ouvrage « Le venin dans la plume », Édouard Drumont, Éric Zemmour et « La part sombre de la République ». Il y a cette réflexion qu'on évoquait déjà hein, sur le vocabulaire, le mot. Emmanuel de Varesquiel, sur cette passerelle que l'on entend régulièrement, qui est faite par les autorités, monsieur le président de la République, mais dans les médias aussi, sur les années 1930 et puis aujourd'hui. J'ai envie de revenir sur le fond de ce débat, de cet exercice difficile auquel nous nous adonnons ce matin, ces rapports passé-présent. Moi, l'historien, à mon sens, doit manier ces passerelles-là avec énormément de prudence. On peut parfois trouver des éclairages, mais doit aussi constater que dans la lutte, lorsque l'on est dans une lutte, dans un conflit, on utilise le passé, non pas évidemment en historien, mais comme des éléments de légitimité des luttes qui sont en cours. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tout le XIXe siècle. Regardez l'historicisme du XIXe siècle, ce que font les historiens de la bourgeoisie après la Révolution française, les Augustin Thierry, les Guizot et autres, qui se servent du mouvement communal du XIIIe siècle pour justifier la montée en puissance de la bourgeoisie et sa prise de pouvoir sous la Révolution française. Donc, il faut éviter, dans ces rapports passé-présent, de se servir du passé pour lécher les bottes du présent. Ce qu'on a plutôt tendance à faire, et ce qui est évidemment le contraire d'une démarche historienne. Emmanuel de Varesquiel, vous êtes l'auteur de « Penser la restauration » qui vient de paraître. Et donc, on va trouver à chaque changement ou à chaque chaos social une volonté de discuter du présent en s'appuyant sur le passé. Oui, Béatrice Bougnol. Oui, Ludivine Bantigny, je crois que vous avez écrit plusieurs fois sur ces rapports entre présent et passé et comment l'historien, justement, en tant qu'historien, peut faire des ponts entre la période passée qu'il étudie et la période présente dans laquelle il vit et dans laquelle il agit. Il me semble que vous utilisez une métaphore qui est celle du montage pour décrire comment le passé peut rentrer en relation avec le présent dans une œuvre d'historien. Oui, et si Emmanuel de Varesquiel a absolument raison de souligner la prudence nécessaire en la matière, je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les références au passé sont mobilisées dans le présent par les protagonistes de cette histoire. J'emprunte le mot protagonisme à l'historien de la Révolution française, Haïm Burstein, qui montre comment des individus ordinaires, vous et moi, tout un chacun, tout à coup se sent actrice et acteur d'une histoire en train de se faire, mobilisant une conscience historique et dès lors aussi des références. Donc dès lors, le passé en tant qu'il peut être vivant, en tant que ce passé peut être présent véritablement. Et c'est vrai que c'est le cas lorsqu'on voit, pour y revenir, en 1968, des personnes qui se réfèrent à la Commune de Paris. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, une partie des Gilets jaunes, hein, alors c'est hétérogène d'un point de vue politique, mais une partie des Gilets jaunes se réfèrent à la Commune, se mettent à parler à nouveau d'une démocratie communaliste, d'une forme de réappropriation de la démocratie directe. C'est intéressant aussi de voir qu'en 1968, dès le début de la mobilisation, on se réfère très vite à Sharon, le massacre du métro Sharon, et j'ajouterai bien sûr le 17 octobre 1961, parce que finalement le régime naît aussi dans ce massacre, hein, le massacre des Algériennes et Algériens à Paris le 17 octobre 1961, et on voit finalement aujourd'hui que ces références dans le rapport à la violence, y compris dans ce que vous avez dit tout à l'heure, Bénédicte, sur le fait que certes, l'armée n'est pas mobilisée face à celles et ceux qui se soulèvent dans des conflits sociaux, mais il y a la gendarmerie mobile, donc d'autres militaires en fait, que quelqu'un comme Benjamin Griveaux, dont on va moins entendre parler désormais, mais sur le plan politique, avait dit que, pourquoi pas, hein, le recours à l'armée était envisageable. On a retrouvé des tanks et des blindés pour la première fois depuis 1944 sur les Champs-Élysées, donc à l'exception des défilés militaires, mais là, cette fois, pour faire face à un conflit social. Donc, ce qui est vraiment passionnant, c'est la manière dont les protagonistes de ces histoires se réapproprient, encore une fois, le passé pour le rendre vraiment présent dans leur lutte. Bénédicte Chiron, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le soldat méconnu, les Français et leur armée ». Et effectivement, nous avons vu des véhicules blindés circuler dans Paris. C'est précisément, alors je vous remercie parce que je me suis dit que j'avais manqué de temps en achevant ma réponse et d'apporter ces précisions qui me semblent effectivement très intéressantes. D'abord, deux choses sur l'utilisation du passé dans le présent. Il me semble aussi qu'elle est... il y a une légitimité à ce que les protagonistes d'une histoire utilisent ce passé parce que le passé leur est connu et qu'ils sont les acteurs d'une histoire qu'ils sont en train de construire. Ils s'appuient donc sur des références connues. On pourrait en parler sur d'autres dossiers, mais par exemple, le futur service national universel, on nage dans un projet qui serait totalement nouveau et on voit bien que les protagonistes, à la fois politiques, hein, ceux du haut et ceux du bas, pour reprendre une distinction qui est très discutable, mais qui est parlante, en fait, s'appuient sur ce qui est connu, qui est le défunt service militaire, quand bien même il peut y avoir évidemment quelque chose d'abusif à faire cette référence, mais le pouvoir politique lui-même utilise cette référence connue. Sur la mobilisation des forces de sécurité intérieure et extérieure, c'est précisément très intéressant de voir comment dans le vocabulaire politique, les politiques jouent par exemple sur la distinction entre le statut militaire ou le statut de force de sécurité intérieure de la gendarmerie en fonction des moments. On a des moments où dans une situation de chaos, le politique prend consciemment ou inconsciemment, il ne faut jamais juger des intentions, le parti d'afficher un nombre de déploiements de militaires quand il s'agit de gendarmes, sans préciser qu'il s'agit de gendarmes. Et puis à d'autres moments, le pouvoir politique va choisir de préciser que ces militaires sont des gendarmes, ce qui n'est pas effectivement tout à fait la même chose que de mobiliser des militaires de l'armée de terre, d'une part. D'autre part, on est dans un moment où le lien entre l'extérieur et l'intérieur, précisément, se joue d'une manière un peu différente, aussi parce que depuis janvier 2015, on a sur le territoire national une force de sécurité, une force militaire, pardon, qui est déployée, qui est la mission Sentinelle, dans des proportions assez massives, et on voit bien que il y a eu une rupture d'emploi qui a créé une situation politico-sociale un petit peu inédite, qui précisément ouvre la porte à ce que il y a une très forte tentation politique à utiliser le déploiement d'une force militaire en kaki, pas en bleu marine, c'est-à-dire des militaires de l'armée de terre et des autres armées et pas des gendarmes, sur le territoire national dans des contextes de mouvement social. Et il y a eu effectivement des annonces maladroites au moment qui ont été affichées comme revendiquées comme une simple maladresse de dire que les militaires de Sentinelle pouvaient se trouver à un moment ou à un autre face à des gilets jaunes. Et on voit bien là qu'en fait, on est sur un moment particulier aussi parce que des équilibres qui paraissaient être fixés de manière assez durable, assez stable, depuis l'entre-deux-guerres, sur la manière dont on pouvait réprimer ou ne pas réprimer un mouvement social, sont des équilibres qui sont dans une phase d'instabilité et d'inconnu, en tout cas pour le plus court terme. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous participons au forum 2020, la société face au conflit, forum France Culture Sorbonne Université. Avec cette réflexion, revivons-nous les conflits du passé? Et nous sommes tous d'accord, il faut contextualiser, les choses changent, nous sommes tous d'accord, la violence n'est pas une nouveauté. En revanche, il y a quelque chose qui est toujours intéressant dans le regard que nous portons sur le passé, c'est de regarder, c'est souvent par les textes que nous voyons les choses, combien certains textes du passé font écho à notre présent. Les les hommes, les femmes qui ont réfléchi au mouvement social par le passé ont produit des discours qui nous parlent encore aujourd'hui. Ludivine Bantigny, quand on réfléchit à des notions qui sont extrêmement passe-partout, comme révolution qui veut tout dire, comme réforme aussi qui veut tout dire, en le contextualisant et en le creusant, on trouve des explications qui nous parlent à notre présent. Sur le mot révolution, par exemple, quand vous faites cette étude-là de révolution. C'est intéressant de montrer la façon dont ce mot, je dirais, à partir des années 1980, a été en quelque sorte énervé, hein, au sens strict du terme, c'est-à-dire on lui a retiré les nerfs dans une certaine mesure, parce qu'on a commencé à parler de révolution dans le monde de la publicité, où la moindre poudre à lessive devenait révolutionnaire, où le moindre ustensile de maquillage devenait révolutionnaire. Ça couvre littéralement les murs de nos villes, ces affiches prônant la révolution de tel ou tel produit de consommation. Et puis il y a une autre manière de déminer le mot révolution dans le langage politique en particulier, hein, quand on voit par exemple que le livre de campagne d'Emmanuel Macron s'est intitulé Révolution pour désigner un projet politique qui, on peut le dire sans trop de scrupules, ne l'était pas véritablement, révolutionnaire. C'est aussi une manière de se départir de la charge subversive, évidemment, de ce mot. Et toute proportion gardée, puisqu'il s'agit de faire des liens entre passé et présent, moi, cette période qui s'ouvre dans les années 1980, avec cette grande inquiétude face à l'espérance d'un autre monde possible qui avait émané de 68 et des années qui l'ont suivi, me fait penser au premier 19e siècle, où l'empereur Napoléon disait vraiment « la révolution est terminée », où Guizot disait aussi « la révolution est finie », etc. Donc, il fallait insister, comme l'avait fait par exemple un François Furet au moment du bicentenaire de la Révolution française en 1989, tout au long des années 80, il avait dit que voilà, la Révolution française était bel et bien terminée. Une manière de rabattre en quelque sorte le couvercle, non seulement sur une période historique, mais aussi sur la possibilité même d'un changement révolutionnaire. Cette Révolution française qui ne finit jamais, en fait, chacun veut la terminer. Emmanuel de Varesquiel. Oui, il faut revenir à l'étymologie du mot. Révolution, c'est un tour complet, hein. Et il n'y a, à mon sens, de révolution que lorsqu'il existe une articulation entre le social et politique. Et le politique, c'est tout le phénomène révolutionnaire de 89-93. Une révolution sociale égalitaire, un conflit entre des ordres, entre le tiers-état d'un côté et les ordres dits privilégiés, la noblesse et le clergé de l'autre, et une révolution politique, un renversement de souveraineté et de légitimité de la tête du roi à la tête de la nation. Ça, cette articulation-là, elle est véritablement révolutionnaire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la retrouver aujourd'hui dans le sens où on entend la révolution de 89. Et l'importance de décrypter les mots, Béatrice Bougnol, du journal La Croix. Oui, justement, l'importance de décrypter les mots, Xavier, c'est, je reprends vos termes, vous insistez sur la profondeur historique, ce que la profondeur historique peut apporter au décryptage des mots qui sont parfois galvaudés dans leur usage politique, dans leur usage médiatique aussi, beaucoup. Comment vous voyez les uns et les autres la présence de l'histoire dans les médias aujourd'hui pour décrypter l'actualité? Comment vous vous situez par rapport à cette fonction qui peut être une des fonctions sociales un peu de l'historien? Comment vous envisagez les interventions qui vous sont proposées pour venir décrypter l'actualité dans les médias? Gérard Noiriel, j'ai vu des haussements de sourcils pendant la question, donc il y a des choses à dire. Oui, je crois que c'est une question évidemment très difficile pour nous, enfin difficile pour ceux qui croient à ce que Marc Bloch appelait la fonction sociale, la fonction civique de l'histoire, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que si on pense que les recherches historiques peuvent, c'est l'expression de Marc Bloch, aider les hommes à mieux vivre, hein, on ne peut être que frustré de la situation actuelle. Alors, il y a de grandes inégalités, évidemment. Ici, nous sommes à France Culture, donc on est dans peut-être le lieu où on peut le plus s'exprimer en respectant un peu nos travaux. Mais la plupart du temps, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'immigration, donc le rapport aux médias est constant depuis 30 ans. Mais la plupart du temps, c'est sous la forme de « que pensez-vous de la dernière phrase de Et puis, alors, il y a eu, voilà, les différents présidents de la République, etc. Ce qui est un manque de respect pour notre travail. C'est ça qui est fondamental. Donc, il y a une sorte de difficulté à se situer, je dirais, par rapport à cette logique-là pour défendre notre métier, mais dans des langages aussi qui soient accessibles à des gens qui sont pas des spécialistes, hein, en respectant aussi la diversité des modes de communication. Je crois que c'est une difficulté, mais qu'elle tend aujourd'hui à devenir à s'aggraver. Moi, je sais pas si je prends sur la longue durée, j'ai le sentiment que notre métier, on pourrait le dire aussi sur le plan des réformes actuelles de l'université, est de moins en moins pris au sérieux par le fait. Donc c'est effectivement, je pense moi aussi que c'est un combat civique que nous devons mener. C'est ce que vous parliez de mon dernier ouvrage, mais quand on voit que des polémistes comme Éric Zemmour se dit lui-même historien, si vous voulez, et qu'il peut être reçu et diffusé comme ça sur un certain nombre de chaînes de télévision, ça pose vraiment un gros problème. Le venin dans la plume, hein, c'est le titre de cet ouvrage, Gérard Noiriel, avec une vraie réflexion qui nécessite là aussi de regarder sur le temps long, c'est sur la liberté de parole. Nous l'avons aujourd'hui, la liberté de parole, et cette liberté de parole a des conséquences qui peut aller contre la liberté elle-même. Emmanuel de Varisquiel. Moi, j'irais encore plus loin que Gérard Noiriel. Je trouve que la rupture qui existe entre le monde du commentaire et le monde des historiens est tragique. Nous autres historiens, nous sommes dans la mine et nous poussons nos wagonnets. Nous construisons quelque chose sur des ruines, quelque chose qui ne sera jamais tout à fait à l'identique de ce qu'il a été. Et nous ne sommes pas lus par les commentateurs, qui en effet prennent souvent des vessies pour des lanternes et prennent de vrais historiens pour des faux et vice-versa. Et c'est un problème. Et par ailleurs, c'est un paradoxe qui est inhérent à l'histoire elle-même, parce que j'ai envie de reprendre cette formule de François Furet. Après tout, l'historien n'est pas là pour faire de la morale, il n'est pas là non plus pour faire de la politique. Je pense que si on se met à en faire, on se trompe. Et on porte à notre objet un regard biaisé. Et donc voilà, le paradoxe tragique, il est là. Le paradoxe est là. Vous vouliez dire quelque chose, Bénédicte Chéron, sur ce rapport du commentaire de l'actualité à l'histoire. Oui, parce qu'on voit bien qu'on est parfois nous-mêmes placés dans des situations qui nous demandent un petit peu de discernement. C'est-à-dire que on est aussi dans une situation où il y a une sursollicitation de toute personne pouvant délivrer une expertise, quelle que soit la légitimité de l'expertise, et que on peut tous être tentés aussi d'apparaître comme des experts d'un champ large, correspondant plus ou moins à des recherches, et en faisant en sorte que les étiquettes d'universitaires qui donnent une très forte légitimité à la parole publique n'apparaissent pas en fait comme ce qu'elles sont parfois, qui sont aussi des outils politiques pour délivrer un savoir qui bien sûr s'appuie sur des connaissances réelles, mais qui n'est pas absolument neutre non plus dans la manière dont nous travaillons, dont nous approchons nos sujets. Et il y a vraiment une limite aussi à tenir on râle souvent sur les mécaniques médiatiques, sur les experts qui n'en sont pas, mais il y a aussi une manière dont les étiquettes universitaires peuvent être utilisées par nous-mêmes comme des outils de notoriété pour délivrer une parole qui n'est plus que de l'ordre du commentaire, qui pose une vraie question aussi sur les mécaniques médiatiques dans lesquelles on se trouve entraîné, et ce qui nécessite un petit peu de prudence et d'éthique personnelle, si on peut prononcer des gros mots. D'autant que si nous reprenons cette expression de mécanique médiatique, tout est chamboulé par les réseaux sociaux, ne serait-ce que par la prise de parole possible. Et puis la réflexion qui se pose est la prise de parole de l'historien, de l'historienne. C'est-à-dire que l'historien, historienne fait son travail, mais il peut être acteur également dans le conflit lui-même qui est en cours sous ses yeux et qu'il peut étudier par le passé. Ludivine Bantigny, vous avez vraiment cette réflexion qui, pour la simplifier, quand on parle de la violence par exemple, la violence concrète d'une personne éborgnée n'est pas la violence d'une vitrine de banque cassée. Oui, moi je pense que c'est très important de se saisir de toutes les brèches possibles pour insister sur cette dimension-là. C'est pour ça que tout à l'heure je voulais parler d'abord de la violence sociale, parce que quand on met, non seulement quand on met sur le même plan une vitrine brisée et un visage définitivement mutilé, c'est grave, mais c'est encore plus grave quand on invisibilise complètement justement cette répression, comme on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes. Globalement, moi quand j'entendais des personnes s'indigner de tags sur l'Arc de Triomphe, je n'entendais pas ces mêmes personnes s'indigner des mutilations définitives que ont pu subir un grand nombre de manifestantes et manifestants. J'ai un peu souri quand Emmanuel de Varesquel, mais ça rejoint votre question, quand Emmanuel de Varesquel citait François Furet comme celui qui dit l'historien ne doit pas faire de politique, parce que s'il y a bien un historien qui en a fait, et ô combien, d'abord par son engagement communiste de jeunesse, puis dans les années 80 quand il disait ben non mais nous sommes maintenant condamnés à vivre dans le monde que nous vivons. C'est moi qui parle de politique. Oui, non mais donc François Furet a été justement de ceux qui ont décidé de prendre position dans l'espace public, et c'est tant mieux, même si je ne partage pas ce qu'il disait alors dans les années 80, mais je crois en lien avec la question que vous souleviez que la neutralité, comme le dit l'historien Howard Zinn, l'historien qui a travaillé beaucoup, comme Gérard Noiriel, pour la France, sur l'histoire populaire des États-Unis, il disait, mais moi je suis soulagée de mesurer que l'historien ne peut pas être neutre. La neutralité n'existe pas parce que nous sommes embarqués, nous sommes emportés dans ce tourbillon de l'histoire. Et donc autant on peut très bien faire son métier avec méthode, avec nos savoir-faire, autant ça me paraît difficile de prétendre se tenir à l'écart de ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que, bon, en particulier quand on travaille sur l'histoire des mouvements sociaux, des engagements, c'est difficile d'avoir une position, voire une posture de condescendance et de hauteur à leur égard. Alors, on va commencer. Emmanuel de Varesquiel, je vous laisse faire une réponse à Ludivine. Il ne faut quand même pas oublier que la matière de l'historien sont les sources, et que si l'historien ne se comporte pas avec honnêteté et avec humilité vis-à-vis de ses sources, il se renie lui-même. Et Gérard Noiriel ? Moi, je plaide quand même pour une autonomie, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de neutralité, mais il faut quand même défendre l'autonomie de la recherche historique qui consiste à expliquer, comprendre le passé et non pas juger. Moi, c'est un des critères que je prends pour distinguer histoire et mémoire. Alors, je me situe sur le plan épistémologique dans la perspective de Max Weber, une perspective de perspectiviste, comme on dit, c'est-à-dire on a un point de vue sur le passé, ce qui explique d'ailleurs que c'est une des difficultés, d'ailleurs, même par rapport aux médias, que tout. Il n'y a pas d'unanimité chez les historiens et les historiennes. Il y a aussi des comme dans toute science, d'ailleurs, c'est pas forcément rédhibitoire, c'est pas contradictoire avec la démarche scientifique. Mais les outils qui sont forgés, la méthode, etc., moi je dis toujours, c'est ce que nous produisons est vrai jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ça nécessite donc de connaître, d'avoir une culture aussi scientifique qui permette de discuter avec des arguments et non pas d'invalider d'un coup de... Voilà, pour des raisons morales ou autres, les recherches qui ont été produites. Le conflit est nécessaire également dans la discussion. Il est nécessaire dans la discussion d'historien et historienne. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est vraiment ça. Revivons-nous les conflits du passé? Et en posant la question, nous savons que la réponse n'est pas oui, puisque le contexte est différent, puisque nous ne revivons pas les mêmes choses. Malgré tout, et nous allons pouvoir conclure sur cette idée-là, quelle utilité peut avoir cette démarche? Combien elle vous semble essentielle de faire un retour en arrière, un regard vers le passé pour comprendre le présent et donc pour réfléchir à l'avenir? Ludivine Bantigny, vous militeriez aussi pour ce regard vers le passé? Oui, alors avec tout à fait, comme Emmanuel de Varesquel, une insistance sur le savoir-faire de nos métiers, la critique des sources et la multiplication de ces sources. Moi, je répondrais volontiers dans le prolongement de cet historien que j'admire infiniment et que j'ai déjà cité, Howard Zinn, qui disait qu'il se donnait deux finalités dans son métier d'historien, à savoir d'une part donner la visibilité à celles et ceux qui n'en avaient pas jusqu'alors dans le passé, c'est-à-dire retrouver celles et ceux qu'on dit les anonymes de l'histoire, leur redonner des noms pour qu'ils cessent d'être anonymes, d'une part, et d'autre part, retrouver leurs espoirs. Retrouver leur volonté aussi de changement, leur volonté d'émancipation. Et ça, je pense que c'est très utile au présent d'aller puiser, justement, dans l'histoire de ces espoirs. Toujours ce désir de comprendre, ce désir de savoir. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Merci Ludovine Bantigny, merci Gérard Noiriel, merci Bénédicte Chéron, merci Emmanuel de Varesquel et merci Béatrice Bougnol du journal La Croix pour ce forum. Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, merci à Thomas Beau qui a assuré la captation de ce moment d'échange. Merci à vous d'avoir assisté à cette discussion. Merci. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Merci aux équipes techniques de Radio France pour cette émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Camille André, Aurore Juvenel et dont la programmation est assurée par Amélie Perrault. Demain, samedi à 10h sur France Culture, Concordance des temps de Jean-Noël à Jeannonet, Les Vikings, un héritage en question. Et quant à nous, la semaine prochaine, nous irons en Inde pour visiter le Taj Mahal avec Gandhi.